Essentiel. Essentiel. C'est aussi ça? Et 34 minutes, bienvenue à vous tous et vous toutes pour aujourd'hui pour l'émission de l'accordéon. Voilà donc, on a pu débuter l'émission avec un morceau d'accordéon rap avec Gradure. Voilà aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une bonne semaine et tout simplement une bonne matinée, tout simplement pour ce dimanche. Et aussi, j'espère que vous allez continuer pour cet après-midi avec l'émission de l'accordéon. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'accordéon, avec tout simplement de la valse. Le titre s'appelle « Il y a toujours de l'accordéon ». Il y a toujours un accordéon qui vient chanter dans ma tête. Les petits airs sans contrefaçon, des rengaines, des romances, il y a pour tous un petit bout de chemin que l'on fait avec un refrain. De Jamère à Sablon, on danse au tourbillon, le temps ne passe qu'en chanson. Julien Clerc ou Souchon, de Maurice à Fanon, il y a toujours un accordéon. Au bonsoir des premières, debout dans la lumière, l'orchestre attaque, je dois entrer. Un escalier, des feuilles, des plumes en éventail, faudrait pas que je défaille. Car vous me rendez fier, aujourd'hui plus qu'hier, de Paris à Toulon, au soufflet du champion. Il y a toujours un accordéon qui vient chanter dans ma tête. Les petits airs sans contrefaçon, des rengaines, des romances, il y a toujours un petit bout de chemin que l'on fait avec un refrain. De Ginger à Baker, on chante sur le même air. La musique n'a pas de frontières. Bourvillaine et Corny sur une route fleurie, accordéon. Dans un trait de lumière pour la beauté du geste, vous me donnez la tendresse. La fosse aux musiciens, c'est de la vie pour demain, qui s'écrit en rouge carmin. Laissez-moi vous chanter l'histoire que j'ai rêvée, une vie de patachon sur la boîte à boutons. Il y a toujours un accordéon chanter dans ma tête. Les petits airs sans contrefaçon, des rengaines, des romances, il y a pour tous un petit bout de chemin que l'on fait avec un refrain. De Jamère à Sablon, Julien Clerc ou Souchon, de Maurice à Fanon, y a toujours un accordéon. Des ginger à baguette, on chante sur le bébert. La musique n'a pas de frontières. Bourvila, Nicolie, sur une route fleurie, il y a toujours un accord. Voici donc, je mène du côté de la forêt, valse de la forêt, puis juste après, en montagne. sûr d'un garçon. Approchée avec un bouquet des délices, tout son cœur était plein de tendresse. Elle me dit merci tout en me donnant un baiser. Depuis mon cœur fait que chanter, c'est bien toi la plus jolie de toutes les filles du pays. Écoute ma chanson pour toi qui n'est là sous mes dix doigts. Je suis amoureux. Juste après la fiesta. Laval, c'est du côté de l'Alsace. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. La bohémienne. Joué par Pascal Lamar. Thank you. ils sont à tes genoux. Carmen, jolie fille d'Espagne, fougueuse sévillane, tu rends les hommes fous. Et quand tu lances la ciguille dans les rues de Séville, tu as un succès fou. Les guitares, le flamenco, le passo et le fandango et le son des taureaux te coulent dans les veines. Superbe et généreux. Et là, les longs cheveux d'une gitane, un regard tout blanc qui vous déboussole. Elle est la reine des arènes, les matadors se déchaînent et risquent tout pour un petit rendez-vous très doux, les yeux dans les yeux. Carmen, charmante bohémienne, tous les garçons se prennent, ils sont à tes genoux. Carmen, jolie fille d'Espagne, fougueuse sévillane, tu rends les hommes fous. Et quand tu danses la ciguille dans les rues de Séville, tu as un succès fou. Les guitares de flamenco, le passo et le fandango et le son des toreros te coulent dans les veines, Carmen. We'll be right back. sachant qu'il y restera longtemps. Et dans sa cabane, avec son bon chien, il s'installera, ce sera très bien. Il vivra tout seul avec son troupeau pendant son séjour tout là-haut. Avec les bergers des vallons, ils pourront chanter et se répondront. Alors l'écho de la montagne lui répétera ce refrain. We'll be right back.

applaudir, accordéon piano, bravo. Gilles Savy. Jérôme Fortuna. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. C'est aussi ça? Voici donc du Parsenoble. Voici donc un bonjour à Geneviève. Voici donc deux morceaux différents de Jean Désiré Bailly. Ses fleurs, il lui dit un bonjour, je t'aime de tout mon cœur, je t'offre le bonheur pour toujours. Elle avait un visage charmant et son teint rendait jaloux les roses. Elle avait un sourire d'enfant et ses lèvres appelaient quelque chose. Tout en longeant le bord du trottoir, les passants répétaient tout sans cœur que cette fille a un beau regard. Elle est aussi jolie que ses fleurs. Elle vendait des fleurs sur le bord de la rue. Un beau garçon rêveur admirait sa beauté ingénue. Jetant ses fleurs, il lui dit un bonjour, je t'aime de tout mon cœur, je t'offre le bonheur pour toujours. Et depuis ce jour, les deux amants ont ouvert un magasin de fleurs, où l'on peut sur la porte en entrant lire l'enseigne aux porte-bonheur. Et ils font un couple si charmant, reflétant la joie et le bonheur qu'à moitié décidés les passants rentrent quand même acheter des fleurs. Elle vendait des fleurs sur le bord de la rue. Un beau garçon rêveur admirait sa beauté ingénue. En achetant ses fleurs, il lui dit un beau jour, je t'aime de tout mon cœur, je t'offre le bonheur pour toujours. Arc-en-ciel. encore ta chanson qui me trimballe au petit bal. À la porte d'Italie, un jour tu as fleuri sous les doigts d'un artiste. Tu as grandi à Saint-Ouen, dans le cœur des tziganes et des gitans. À Montreuil, à Clignancourt, dans tous les vieux faubourgs, t'es devenu spécialiste de la vraie valse musette. Mon Dieu que c'était beau, ah ce que c'était chouette. Joue pour moi accordéon, joue comme ça à ta façon. T'étais le roi, le pape, des guinchers, des petits bistrots. Fallait passer la monnaie, et le patron gueulait, allez rouler. À la montagne, c'est une victoire, quand tu jouais dans les bars, en duo avec Django. Tu faisais pleuvoir des étoiles, des perles de cristal sur la capitale. Voici donc après tout simplement Matt Pascal, voici donc qui s'appelle Jérôme Richard en duo et le titre s'appelle La Marche Milésanaise et puis juste après tout simplement Daniel Pouillard. We'll be right back. jour tu partais vivre à San Francisco. À voir un vieil ami du Colorado. Tu le trouveras assis près de ses photos. Derrière la fenêtre, jouant de son banjo. S'il porte toujours son chapeau, son foulard et sa vieille chemise à carreaux. Il te parlera sûrement de l'Eldorado. Sa vue est vers l'or, assis sur un radeau. Voici la danse de la tarentelle. We'll be right back. la valse avec tout simplement Yvette Horner. Et puis juste après, la fête entre nous. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est agréable. d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et dans les mains, chantons à tue-tête, on va faire la fête entre nous. Si belle et si gentille, on aime bien. Qui ça, le prochain? Où ça, la Brésille? Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, Alouette, je ne peux plus me rêve. Dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre, dans un amphithéâtre. À la pêche, moule, je ne veux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, monde, ils vont pas y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville, m'ont pris mon paillet, maman. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Quand le prieur nous engueule, on lui chante des chansons. C'est ça qui est bon, qui est bon, qui est bon. Et voilà la vie, la richesse, les gens. Et voilà la vie que tous les moines font. Tapez dans les mains, chantons à du tête. On va faire la fête entre nous. Et dans les mains, chantons à petite-tête. On va s'éclater dans les fous. La marche portugaise. Thank you. un sédiment. Certains s'en vont à la pêche ou bien aux champignons. Mais pour moi ce matin, c'est la brocante. Et aujourd'hui, il y a sûrement des occasions. Il faut se donner tout pour les toquants. Les pendulettes, les réveils et même les vieux oignons. Il faut se donner tout pour les brocantes. Voici le titre, s'appelle La Marche Turquie et c'est Jean-Marc Delorme. pas vivre à l'ancienne, mais si ne, qu'importe quel est son horizon, la plus jolie fille du monde, c'est celle que l'on aime aujourd'hui. Qu'elle soit brune, qu'elle soit rousse, qu'elle soit blonde, la plus belle, c'est celle qu'on a choisie. Elle nous donne l'envie, chaque nuit, chaque jour, de croquer dans le fruit de l'amour. Elle nous ouvre son cœur, de ses bras nous entoure, nous offrant ce bonheur après lequel on court. On se rencontre un jour, et c'est le grand amour. Allez savoir pourquoi, c'est ainsi, c'est comme ça, puis toujours. La plus jolie fille du monde, c'est celle que l'on aime aujourd'hui. Qu'elle soit brune, qu'elle soit rousse ou blonde, la plus belle, c'est celle qu'on a choisie. Arc-en-ciel. Voici donc qui s'appelle tout simplement Seb Frista. Et le titre, c'est Chaud Marche. Donc la marche disco. Belle gitane. pour moi, belle gitane, je suis pas à pas, terrible des larmes, toi fille de roi, et moi pauvre diable, je baisse les âmes, ma belle gitane. Je donnerai pour toi ma vie et mon âme, que l'amour me donne, ma belle gitane. En terre catalane, je suivrai au loin ta robe de flamme, jolie fleur d'Espagne, ma belle gitane. Thank you. voici donc les programmes pour demain. Demain, nous serons donc lundi. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et puis donc, suivi à partir de 9h jusqu'à midi avec toute l'émission, tout simplement vers le matin, avec Jean-Pierre. 9h jusqu'à midi. Et puis donc, en fin d'après-midi, à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission 100% Union avec Fernanda. Et puis donc, juste après... On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un met tout à fond, que je vous fais chier, mais c'est vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I bet you love me. On the rocks. Wow. Voilà donc bien l'émission tout simplement jusqu'à 21h et puis juste après, à partir de 21h jusqu'à 23h, vous allez retrouver l'émission de Rémi avec la rédac du sport. Voilà donc eh bien les programmes pour demain et puis on continue bien sûr avec l'accordéon. L'accordéon jusqu'à donc eh bien jusqu'à 16h le dimanche entre 13h30 jusqu'à 16h. Voici donc eh bien la valse de l'amour et puis le deuxième ce sera la valse toujours mais la valse des montagnes. Arc-en-ciel. s'appelle Jean Ardoin et c'est du disco. Laisse-moi danser. Bientôt 16h, donc cette musique là qu'on va se quitter. Voilà, donc aussi j'espère que vous avez passé bon après-midi avec des morceaux d'accordéon différentes, et on se retrouve déjà dimanche prochain, et aussi on se retrouve mardi à partir de 13h30 pour l'émission Music Dance. Voilà, donc et bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Merci, merci, merci. Sur la plage, une jeune fille qui pleurait. Et là, soudainement, un jeune homme qui doucement l'approchait. J'amore, j'amore. J'amore, j'amore, le soleil qui brillait dans ses yeux. J'amore, j'amore, j'amore, j'amore, le soleil qui brillait dans ses yeux. La fille aux yeux bleus le regarde, il se blottit dans ses bras. Le jeune homme lui offrit plein de roses, et elle, tout émue, les a pris. J'amore, j'amore, j'amore, j'amore, le soleil qui brillait dans ses yeux. J'amore, j'amore, j'amore, j'amore, le soleil qui brillait dans ses yeux. Três da tarde no continente e na Madeira, duas da tarde nos Açores. Avançamos por isso para uma síntese de notícias com a edição do jornalista.